Dis-moi bien, aime-moi, ça m'a qu'à faire. Mes amis, zot tes assaves, zot tes adis, qui m'en yon la vie trop compliquée, pour pas accepter, qui brin l'amour, devant jour. Kouta la mauve ke pati, kouta la mauve ke kouri, pa fè koyan. Écris-moi quand même, ça fait moins la peine. Moi qui s'explique, qui moi t'es apprends faire. Y'en nous des fois, peut-être plus qui ça. Mais écoute là, m'en parler ça. Mes amis, c'est moi tout seul qu'a choisi. En pas devant, tu pars seul pour m'empêcher de dire, tu brûles l'amour devant jour. Coute à la moi, peu que parti. Demain ou bien.